2, 1, 2, 3, 4. Boum boum. Boum boum. Musique française, curieuse. Le quatrième mercredi du mois. De 21h à 23h. Prune 92 FM. Boum Momo, musique française curieuse, et même Alexis Pauline a fait le petit ouh, refait. Ouh. Il est un peu plus pou, moi c'est plutôt ouh. Ouais, c'est mon côté, je sais pas. Parle bien en face du micro, Alexis. Petit côté. T'as un micro en face ouais, de toi. Je sais même pas en fait. Non, mais je connais trop bien votre générique. Aïe aïe aïe. Jonas, comment tu vas? Je crois que c'est la 10e ou la 14e, je sais plus. Exactement, tout à fait. Alors, c'est notre première saison. Alors nous, c'est la 236e. Mais 236, 237, je sais plus. Ouais, 9e saison. Je crois, ouais. Popol, c'est peut-être ta 14e. Ouais, t'es venu un paquet de fois dans l'émission. Alexis Pauline, un vieil ami, un fidèle, un habitué de l'émission. Peut-être pas 10, mais je dirais 7 ou 8 podcasts, non, facile. Non, non, je crois que c'est la 4e ou 5e. Ouais, on devrait faire un petit podium. Je pense que Chili J, qui va passer nous faire un coucou tout à l'heure, doit être le recordman. Il est vraiment passé souvent dans l'émission. Alors, c'est moi, je pense, qui suis passé le plus de fois dans Boum Bobo. J'ai bien dû faire pour le coup 15 ou 20 mix dans cette émission. Maudi est venu souvent. À croire que tu tiens le bar à la baraque. D'accord, comme si c'était moi l'un des organisateurs de ce truc. Maudi est venu souvent, Chili J, Alexis Pauline, Bassline est venu plusieurs fois, Natos évidemment. Mais bien sûr, oui. Natos est peut-être en deuxième position, c'est juste vrai. Derrière moi. Et dans le top 5, il y a Alexis Pauline, ancien Angevin, ancien Nantais aussi, longtemps à Marseille. Désormais, tu es rendu à 7. Ouais. Sur le port de pêche de 7. Et pourquoi pas? Et toujours un peu de musique là-bas? Bien sûr. Ça charge des disques? Plus que jamais. Raconte-nous un petit peu musique traditionnelle d'Occitanie, d'autres trucs. Ouais, la continuité logique. Enfin, non, une transition de Marseille à 7, prévue plus que. Enfin, plus ou moins, mais. On reste dans le sud avec les mêmes affinités musicales et donc les mêmes recherches, avec des surprises, bien évidemment. Ça, j'ai trouvé des disques à 7 qui étaient improbables. Tu te dis pas à 7, je vais trouver ça. Et en même temps. Des choses logiques de trouver à 7, que tu trouves plus facilement à 7, bien évidemment, que dans d'autres régions, de par le fait que tu es dans l'Occitanie pure et dure, qui a une tradition. Tu vas dans les bars, ça chante occitan, ça parle occitan. À Marseille, il n'y avait pas ça, par exemple. Là, tu es dans l'Occitanie, tu le sais, c'est évident. Tu parles de certains disques, on les connaît, c'est pas genre, tiens, c'est une niche. Non, les gens connaissent les disques dont tu parles, quoi. Est-ce que ça va se ressentir dans ton mix de ce soir, dans ton 14e mix? Non, bizarrement pas trop. Après, c'est compliqué vu que j'ai moi-même mon émission sur Chaba Radio. Mm-hmm. Donc du coup, Chaba Radio. On n'a pas le droit de citer la concurrence, Alexis. C'est vrai. Dans ta vie. Non, je rigole évidemment. Chaba Radio. Non, marseillaise. Non, par contre, j'ai ramené un petit mix d'un peu un florilège de choses, de disques que j'adore, mais. Tu sais, on a tous des disques qu'on aime bien et on joue toujours les mêmes morceaux. Et en fait, là, je vais peut-être jouer d'autres morceaux de disques que j'aime bien. Beaucoup de choses de chez Unidisc, quelques trucs occitans, des trucs bretons, de l'harpe, beaucoup de harpe. Je crois qu'il y a pas mal de harpe. Ambiance librairie. Ouais, c'est très librairie. Bah, on est hyper déçus parce que nous, en termes de communication avec Jonas, du coup, on avait tout misé sur ta photo où tu l'as ce soir, ce gros teddy des jazz. Là. Du coup, nous, on pensait que tu allais faire un mix en mode cut killer. Si les gens nous écoutent, il faut aller voir ma story, absolument. Exactement. On a posté une photo de toi, on dirait. Mais ça me va très bien parce que j'ai une grosse culture rap et très bien. Je peux ouvrir sur un Fat Flow Staff et enchaîner sur un truc de je sais pas, de Doudou Masta. Doudou Masta. Je cite Doudou Masta et on va ouvrir avec du breton, tu vois. C'est beau, ça, c'est pas commun. Avec quoi on ouvre, Alexis Pauline, ton mix? Ben, je sais plus trop, mais je crois que c'est. Je vais lire sur le vinyle si tu veux. Un Mariani Gelantec, c'est un disque de flûte et harpe. C'est un disque breton qui n'est pas commun. Et bizarrement, justement, le moment où je le cherchais, Je me disais, tiens, je vais le trouver dans l'ouest et je l'ai trouvé dans le sud. Donc je trouvais que c'était assez marrant d'ouvrir avec ça parce que je l'ai trouvé en A7 alors que c'est pas du tout un 17-3. La connexion. Chamé, Alexis Pauline, évidemment, de passage pour les fêtes de fin d'année. On s'en est bien douté. On est tous originaires. Enfin, on est tous les deux originaires d'Anjou. Ouais, c'est ça. C'est... Donc on profite de ta. On t'a pas payé un billet de train et un billet d'avion pour te booker. Faut pas déconner. Il y a un budget à Boum Boum. On t'aime bien, Alexis. Mais franchement, c'est même lui qui a payé le péage pour venir. C'est beau ça. On te filera une petite Heineken. On est en direct sur Prune, Alexis Putain, Pauline et j'aurais jamais mon intermittence. Alexis Pauline pour la première heure et puis après on enchaînera tranquillement avec Lila et l'étalon disco pour la deuxième heure. On a le temps d'en parler. Oui. Pour l'instant, c'est Alexis Pauline jusqu'à on se dit 21h55, 56, 57, ça laissera le temps de repapoter on un petit peu. On a quoi faire. Et envoyer un dernier morceau. Alexis Pauline est dans Boom Bomo, Jonas. Merci c'est d'invitation. Toi qui le premier encore une track. Fois. Avec grand plaisir, Alexis. On écoute de la musique française curieuse jusqu'à 23h et sans doute même jusqu'à minuit. Minimum. Vous écoutez Prune, Boom Bomo, musique française curieuse, Jonas. C'est parti. Thank you. Yeah. boulevard Beaumarchais. Un escalier qui sent mauvais. C'est pas vrai. Allez, je bouge tous le nez. C'est pour faire croire aux voisins. Hein? Quatre boulevards Beaumarchais. Les voisins ne sont pas très gais. Alors ça, c'est pas vrai du tout parce que justement, tous les voisins sont très rigolos et très sympas. Quatre boulevards Beaumarchais. C'est normal, t'as mis tes mains devant tes yeux. Quatre boulevards Beaumarchais. Les pompiers viennent sans arrêt. Quatre boulevards Beaumarchais. Car tous les radiateurs fuyaient. Tous les radiateurs fuyaient, alors il y avait plein d'eau dans les appartements, haut comme ça. Les pompiers sont venus avec un gros camion pompe qu'ils ont garé dans la rue. Et avec un tuyau, ils ont aspiré toute l'eau. Quatre boulevards Beaumarchais. Si on se regardait un peu plus près. Plus près comme ça? Quatre boulevards Beaumarchais. Peut-être bien qu'on rigolerait. Quatre boulevards Beaumarchais. Quatre boulevards Beaumarchais. Quatre boulevards Beaumarchais. Quatre boulevards Beaumarchais. Appeler les pompiers, hein. Eh, hey, mets ton maillot de bain. Dégagez, allez, allez, dégagez, dégagez. Oh là, faut pas vous baigner là, faut laisser passer le camion pompe. Allez, tout le monde dégage, là, on dégage. Dégagez. Allez, dégagez. Allez, on dégage. Dégagez les grosses bedaines, rangez-vous le long du mur. Laissez passer les petites bedaines qui vont manger la confiture. Dégagez les grosses bedaines, rangez-vous le long du mur. Laissez passer les petites bedaines qui vont manger la confiture. Moi, quand j'aime, c'est aime-moi. Ce qu'il me faut, c'est au moi. Qui choisit c'est I, moi qui mange et moi qui bise. L'autre moi fait des bêtises, sans arrêt nous sommes trois dans mes chaussures à moi. Moi, chou à la crème, aime-moi, sot ou idiot, oh moi. Qui a grandi I, une image et un coquin. Le troisième est magicien, chaque fois que je m'assois sur la chaise on est trois. Fleur de chrysanthème, aime corbeau ou moineau ou gorille. Ouistiti, un qui pousse et un qui vole, un qui fait des cabrioles. Tous les trois font la java dans mon t-shirt à moi. Sur ma moto, je suis aime dans la piscine, je suis au chac. Nuit, je deviens lit, un qui roule et un qui nage. L'autre plane dans les nuages, rapidement ou pas à pas, nous voyageons à trois. Devant le miroir, j'aime chanter, parler tout haut. Et puis je réfléchis, moi dedans et moi dehors. Dans ma tête et dans mon corps, pour se mettre toujours d'accord. À trois, c'est du sport. Toi qui as écouté ma musique, mes mots, ma maintenant, moi ça suffit. Ça y est, je m'arrête là pour demander quelque chose à toi. Quand tu te regardes bien, toi tu es combien? Thank you. mon pote. L'aide et L'apocalypse aïe. L'apocalypse bye. Je vois un aigle haut qui me porte, qui trompette d'une voix haut forte. Malheur ancré sur toutes ces âmes, les trompettes des trois anges clament. L'apocalypse aïe, l'apocalypse bye. Alors je rassemble mes faibles forces, mon courage et ma puissance amorce une sorte de, une sorte de. Merci Pauline, faut m'aider à applaudir, hein, sinon ça fait un peu. Ouais, voilà, merci. Il y a quelques copains dans les studios pour cette dernière Boom Bomo de l'année. Merci beaucoup, Alexis Pauline. De rien. C'était assez curieux au début, je sais même pas quel genre de musique on a écouté. J'étais sûr que j'étais fan. Ouais, les 30 premières minutes, c'était même plus musique française curieuse, c'était plutôt musique française expérimentale. Non, elle était curieuse, mais c'est un mec qui avait du temps à perdre. C'était toi le mec qui avait du temps à perdre ou c'était le gars? J'en ai plein. On appelle ça le chômage. On a fini sur des choses un petit peu plus traditionnelles. Il y avait ce fameux disque de Palmera. Ouais, mais en fait, le début un peu plus moins palpable, il est fait pour amener justement à des choses plus palpables en fait. Mets-toi bien en face du micro. Sur une heure, c'est plus compliqué, mais sur des heures plus longues, ce genre de musique, en fait, moins palpable, elle amène à des choses un peu plus palpables, mais qui sont dans le même genre en fait. Incroyable sélection dans Boom Bomo d'Alexis Pauline, une fois de plus. En vrai, c'est vraiment cool de pas jouer que du French Boogie et de l'Italo Disco. Et pourtant, c'est trop cool. On est trop content de t'avoir accueilli. Une ouais, fois de plus. Et en même temps, j'aime aussi ça. Enfin, je peux aussi jouer ça. Et c'est pas parce que, par exemple, toi, j'ai la sélection un peu curieuse. Et pourtant, je suis le premier à aimer ça. Si un mec joue un mix d'une heure French Boogie, j'adore ça. Enfin, ça c'est... Si c'est bien fait, c'est cool. Enfin, c'est juste. Eh bien, ça tombe bien, car tu n'es pas le seul DJ ce soir dans Boom Bomo. Nous accueillons, on le disait tout à l'heure à 21h, également Lila et l'Étalon Disco. Coucou, l'Étalon Disco. Bonjour. L'un des meilleurs blasts d'ores et déjà. Il y avait Tom Select, il y avait Dimitri Selectif, il y avait Feu et mes jockeys, et maintenant, boum, l'Étalon Disco, meilleur blast, pur jeu de mots. Comment ça va, Lila? Ça va. Repéré à la Gloria, je traînais à Macadam il y a un mois de ça et tu jouais en introduction d'une Gloria à Macadam, ce club incroyable de Chantenay. Tu faisais la pré-Gloria, c'était ouf dans la petite salle, dans Grace. C'était ouf, ouais, enfin, c'était cool. c'était très stressant, mais c'était très chouette. Italo Disco, Euro House, on est plutôt sur des sonorités des années 90 avec toi. C'est plutôt ce que tu chines comme musique. Ouais. Est-ce que c'est ce que tu as préparé ce soir pour ton premier passage dans l'émission ? Tu es entouré de Chili J à ta droite. Coucou, Chill. Allez. Il est venu sans ses disques, mais il est venu passer un petit coucou. Et Alexis et Pauline, là, il y a genre, avec moi, il y a genre 30 mix dans Boom Bomo. C'est ton... Qu'est-ce que tu nous as préparé pour ce premier passage dans l'émission ? J'ai commencé par un truc un peu down tempo. Et après, bah, justement, je vais faire un truc un peu cliché, genre du French Boogie et de l'italo-française. Mais bon, bon. C'est très bien. Trop bien. En même temps, c'est ce qu'on aime. Exactement, c'est tout ce qu'on aime. On va quand même en dire un tout petit peu plus sur toi. Il y a ce crew et ce festival, c'est mieux maintenant. Et le festival, c'est la Bombance. Tout à fait. C'est un collectif, c'est un crew, c'est une association. Combien vous êtes ? En fait, c'est vous qui envoyez des SMS. Tout à fait. Vous faites vos teufs par SMS. Exactement. Ça m'énervait avant de vous connaître. Je me disais, mais c'est qui ces gens qui m'envoient un SMS ? C'était vous. C'était nous. Qui êtes-vous ? On est 14 copains, copines. Et on a créé du coup cette association qui s'appelle C'est mieux maintenant. Qu'on a créé il y a bientôt 3 ans maintenant. Et du coup, on organise des événements à Nantes et aussi un festival chaque été en fin juillet à Sainte-Pazanne qui s'appelle La Bombance. Et effectivement, on communique que par texto et on n'est pas sur les réseaux pour l'instant parce qu'on aime bien le côté un peu hors des radars aussi. Et pour l'instant, en fait, on marche que par bouche à oreille et ça fonctionne hyper bien. Donc c'est cool. J'ai pas encore eu l'occasion de venir voir vos teufs, mais ça ne saurait tarder, sans doute. J'espère. Je pense que je suis plus dans la liste de diffusion. J'ai dû leur envoyer stop. Donc remettez-moi dans la liste de diffusion. C'est comme les faux SMS. Tu es puni. Les faux SMS pour Amélie.fr. Ouais, c'est un peu ça. Donnez votre CPF. Genre ta carte de sécu est arrivée à terme ou ce genre de bordel. Mais pas du tout. En plus, on t'annonce juste une teuf, on te dit trop bien. Telle heure, tel endroit. Et pour voilà. Une fois, des bonnes nouvelles par SMS. Exactement. Les talons disco, c'est mieux maintenant. Macadam, Gloria, je suis trop content de t'accueillir, Lila. On a trop hâte d'entendre ta sélection. Ça risque d'être un petit peu plus électronique que la sélection d'Alexis Pauline en première heure. Ça se complète bien. Non, ce ne sera pas difficile. Ouais, c'est vrai. Je comprends vraiment pas, c'est hyper. Il y aura sans doute quelques synthés. On reprend la parole d'ici 50-55 minutes et puis je conclurai cette boom bomo un peu spéciale. C'est toujours des boom bomo spéciales en fait. On dit toujours, ouais, c'est la première de l'année, c'est la dernière de l'année, ah, c'est la première depuis un mois. Il y a toujours un truc à dire. C'est la première d'un micro. Exactement. Ouais. Jonas, est-ce que t'es chaud ? Je suis très chaud, ouais. Mix full CDJ. Je vais pas tarder à m'en acheter. Voilà, là, le basculement. Je vais regarder comment tu fais parce que je sais pas comment m'en servir. Bon, génial. Les talents disco et dans Boom Bomo, c'est la deuxième heure de notre dernière émission. Émission très spéciale, dernière émission de l'année. Les talents disco est avec nous. On écoute des musiques françaises curieuses jusqu'à 22h, 23h minimum. Yeah. Thank you. les yeux, c'est le même bleu dans le cœur ou sous le sabot. Jusqu'à nous, tout. Fermez les yeux. C'est...

m'ennuie, ce n'est pas vraiment grave. Les petites filles m'automnent, ne pleure pas car elles savent. Elles n'attendent personne, elles préfèrent jouer seules et apprendre à mener le jeu comme elles le veulent. J'aimerais assez pouvoir être comme elle, de papier glacé. Je suis sage comme une image. Je suis, je suis, je suis. Yes. Ce genre de track, ça donne envie de finir, tu sais, tout le monde les bras en l'air comme ça là. Et ben, bien. Mortel. Comment? Bah voilà. Comme ça. Comme ça, exactement. Les bras en l'air avec un t-shirt un peu trop court comme ça. C'était trop cool les talents disco, merci beaucoup. De rien. J'espère que t'as passé un bon moment. J'étais extrêmement stressée au début, ouais. En plus le temps que je me familiarise avec le matériel. Mais c'est trop nul de passer dans Boom Boom parce que ça dure que une heure et du coup tu mets 40 minutes à être à l'aise et en fait les 20 dernières minutes c'est trop tard. Pour... C'est ça. Ben, tu reviendras, tu referas une autre sélection un peu plus tard. Italo disco à fond, tu nous avais pas menti, un petit peu de disco. On était à fin 70, là, on en parlait hors antenne, on était en 79 même. 78, Vincent. Oh, pardon, je me suis trompé. Non, non, on retrouvera de toute façon toutes les playlists d'ici quelques heures ou quelques jours sur le site de Prune. Celle d'Alexis Pauline à ma gauche et celle de l'Étalon disco à ma droite. Que dire de plus ? Jonas, tu coupes mon micro ? Non, ça y est, tu prends ton indépendance. Je vais augmenter celui d'Alexis et je crois qu'il y a un petit souci avec le micro. Ouais. Ça, pas du tout. Qu'est-ce que je voulais dire ? Bah voilà, tu m'as coupé dans mon élan. On vous retrouve, il y a des dates bientôt pour vous deux, Alexis, sur 7 peut-être ? Sur 7, pas grand-chose là. Enfin, je suis pas au courant, mais. du coup, c'est possible, hein, c'est possible. Du coup, est-ce qu'on peut dévoiler tes prochaines dates à Nantes, peut-être ? Non, ouais. Il y a ton promoteur à ta gauche. J'ai mon promoteur, et j'ai un combat de boxe dans 10-15 jours. Dans l'octogone, là ? Non, il y a une belle date qui arrive, là. Ouais, j'ai une belle date. Chill, tu peux nous en parler ? Est-ce que j'ai un micro ? Ouais. Un micro. Chili Jay, bienvenue dans Boom Bomo. Salut, bonjour. Vincent. Yo, tout le monde. 5 février, Little Atlantic Brewery Lab, et ça s'appelle À la dérive, et on aura l'honneur d'inviter Alexis Pauline pour un dimanche entre boom, sélection commentée et autres surprises graphiques, sonores et tout ce que vous voulez, avec une petite bourse du disque à côté, enfin un moment convivial à partager ensemble dans le Bas-Chantenay. Avec un petit changement de format en ce qui concerne ta teuf, la dérive, avec un moment plus festif le samedi soir, si j'ai bien compris, et un vrai moment chill le dimanche après-midi avec Alexis Pauline. Donc. C'est ça. Chill et pas tant que ça, les kids vont pouvoir se donner un fond. Vénère sur le dance floor. Voilà, si t'as entre 5 et 11 ans, viens. C'est chelou ça, non ? Ça dérape. Si t'es parent d'enfant de 5 à... Voilà. Viens. Si t'écoutes Boom Bomo sous ta couette en scred. Voilà. Non mais le but, ça va peut-être une première partie pour faire danser les kids et puis une seconde partie pour faire danser les parents. Quoi. Ouais, carrément. Et puis voilà, un samedi surprise graphique, sonore et... tout ce que vous voulez, avec une petite bourse du disque à côté, enfin un moment convivial à partager ensemble dans le Bas-Chantenay. Avec un petit changement de format en ce qui concerne ta teuf, la dérive, avec un moment plus festif le samedi soir, si j'ai bien compris, et un vrai moment chill le dimanche après-midi avec Alexis Pauline. Donc. C'est ça. Chill et pas tant que ça, les kids vont pouvoir se donner un fond. Vénère sur le dance floor. Voilà, si t'as entre 5 et 11 ans, viens. C'est chelou ça, non ? Ça dérape. Si t'es parent d'enfant de 5 à... Voilà. Viens. Si t'écoutes Boom Bomo sous ta couette en scred. Voilà. Non mais le but, ça va peut-être une première partie pour faire danser les kids et puis une seconde partie pour faire danser les parents. Quoi. Ouais, carrément. Et puis voilà, un samedi dimanche, c'est la 10e édition d'À la dérive. Ça fait un petit moment qu'on organise des teufs là-bas, qu'on fait des jolis visuels avec Natocito qui est aussi un habitué de Boom Bomo. Et qu'on essaie de proposer des sélections curieuses. Tu étais venu la dernière fois. Grave, c'était chouette. Jouer là-bas. Et donc, très content de recevoir Alexis le 5 février. Ce sera le 5 février. On va finir les festivités en famille. Avant ça, Alexis, on va te laisser. Tu vas refaire un petit aller-retour à 7 quand même. Entre temps, tu ne restes pas sur Nantes un mois. Il est possible. Il est possible quand même que tu ailles bosser un petit peu et retrouver ta vie. Parce que ça ne paye pas le métier de DJ, il faut le savoir. Lila, je me tourne vers toi après avoir brûlé Macadam, après avoir brûlé la Gloria. J'étais là. Oui, c'est le plus fort de la Gloria. C'est pas vraiment la Gloria. Chiant, mais... Oui, bon. Quelle est la prochaine date ? Je crois qu'il y a un petit rendez-vous plutôt cool dans un bar du quartier République en janvier. Tout à fait, je mixe à Pimbar le 27 janvier. Trop bien. Italo Disco aussi. Ouais, je vais mixer pendant 4 heures, je crois. Donc j'ai un peu de temps pour faire plein de trucs. Ouais. Chouette. Ça laisse le temps d'explorer plein de choses. L'Italo Disco, 27 janvier à Pimbar, quartier République, juste à côté de 44 Tours, pas très loin de Bras de Fer. On fait des bisous à tous les copains. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose ou est-ce que je passe aux platines? Bon, non. En ce c'est moment. La, c'est la meilleure réponse, le pire moment de radio. Bah non, on n'a plus rien à dire. Jonas, normalement, c'est 2 heures de direct, boum, boum, ouais. Et c'est Noël. Bon, un petit cadeau. Chie dedans, comme on dit, on en joue. Hein. Exactement. Ouais. Allez, je passe aux platines pour la dernière heure avec des sons un peu franco-arabisants au début. Puis après, on verra dans quelle direction ça part. Yes. Merci beaucoup à tous les copains et quelques copains présents en studio. Ça fait plaisir d'avoir du monde en studio, à Prune, en direct. Et on reprendra le... Vous ne m'aidez pas, vous me regardez tous. Là, je suis complètement perdu. Je ne suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Qu'est-ce que tu vas nous jouer, mon petit Vincent? Ben, franco-arabisant, j'ai déjà dit en fait. Ça ne veut rien dire. Jonas, envoie le premier disque. Voilà, on Amina, va se porter. Le morceau s'appelle Neila. Normalement, la tranche est montée, il n'y a plus qu'à pousser. Et puis après, on écoutera des trucs voilà, franco-arabisants. Je ne peux rien mousse, dire de plus. Mousse, mon Amina. Retournez boire des bières, je passe aux platines. Merci Alexis Pauline, merci les talents disco, c'était super. C'est bon, bon, bon. Merci, ciao les petits. On est ensemble pendant une heure, podcast bonus. À tout à l'heure. Ya Neila, Yeah, you know I've seen. Rocket to the beat. Say rocket to the beat. The beat of the night. The beat of the night. avec Louis. Anaconda paraît comme un cipo, et un cipo paraît comme anaconda. Le papagaï colorido voue approxima des flores rouges, images éclatantes. Thank you.

toujours sur Chéri FM, le son pop rock, et c'est Vincenzo à qui je passe la parole. L'enculé! J'étais concentré, j'étais dans le morceau, j'étais en train de préparer ma petite reprise d'antenne. Judy Larsen dans Boom Bomo sur Prune, une belle réédition. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Bah du coup, ne m'applaudissez pas pour mon mix parce que c'était... Ah voilà! Ouais, c'est super! Ça ressemblait vraiment à du son de Chéri FM, le track que j'ai joué là. Le dernier morceau, du coup, je me sentais porté par l'esprit Chéri FM. Ah, c'est l'esprit un peu mélancolique de Chéri FM. Exactement, tout à fait. Qu'on retrouve dans cette magnifique réédition, je rebondis quand même, de Judy Larsen, Easy Dreaming. L'original vaut une blinde et ça vient d'être réédité sur un label qui s'appelle Proxima. Je ne connaissais pas, c'est chambé. Et ça m'arrive pas souvent, mais j'ai joué une autre réédition juste avant, Amédée au Suriam, le Tension Hot Shot, sur Shinner de House. C'est arrivé avant-hier à la maison, le colis, il était tout tordu. L'emballage du disque était un peu tordu aussi, mais le disque, il est nickel, tout plat. J'étais pas du tout serein. En recevant ça, comme d'habitude, de toute façon, on retrouve les tracklists de nos invités et de moi-même dès demain ou dans les jours qui suivent. On va voir comment on s'organise pour mettre en ligne ce podcast. Donc ça tourne un petit peu. Ouais, mollo, on va peut-être faire le 31 décembre et on verra après. Merci beaucoup à tous les copains qui sont venus nous écouter ce soir. Il y a un petit peu de monde dans les studios de Prune. Merci aussi et surtout à Alexis, Pauline et les Talents Disco, nos deux invités qu'on peut réapplaudir. T'es trop cool. On ne va pas oublier d'éteindre les CDJ, d'éjecter la clé en toute sécurité aussi. On y pensera. Ça fait plaisir de réunir autant de gens et ça fait aussi plaisir de réunir autant d'esthétiques musicales malgré la contrainte musique française et francophone curieuse. Prochain rendez-vous pour nous, Jonas, c'est fin janvier. On est toujours à l'antenne le 4e mercredi du mois. Indéboulonnable. Voilà. Et la prochaine teuf, ce sera début février avec un crew parisien qui s'appelle Club Rocket. Ça risque d'envoyer du gros zouk. Et ça tombe bien, Jonas, puisque tu aimes le zouk. C'est-à-dire, Vincent? Il m'a coupé mon micro. Mon micro. Ah, Vincent, je t'entends plus trop. Ah, le salaud. Attends, peut-être que Chili J, le micro sera pas coupé, il pourra raconter mieux que moi. J'ai pas de casque, donc si je me fais couper, je me rendrai pas compte. Par contre, le déhanché exceptionnel de Jonas sur la zone. Oh là là, c'est vraiment, je suis désolé aux auditeurs auditrices, on a des problèmes de câbles sûrement. Chili J parlé d'un déhanché exceptionnel et effectivement Jonas, on t'a vu danser à la dernière dérive. C'est parce que voilà, il y avait une ambiance, il y avait quelque chose. Ça zouquait grave. Prochaine à la dérive avec Alexis Pauline, rappelle-nous la date s'il te plaît, Chill. Le 4 et 5 février, bah ça me tombe bien, 3 février, Boom Boom au rond-point. Exactement. Moi-même au platine avec Club Rocket, j'ai bien hâte de découvrir ce qu'ils vont faire au rond-point et le 4 et le 5 février à la dérive. Yes. Merci encore à tous les copains, à toutes les copines qui sont venus, c'était merci trop cool. Merci Alexis Pauline. Merci les Talents Disco qu'on retrouve le 27 janvier, un petit peu avant, au Pain Bar, je ne me suis pas trompé dans la date. Trop cool. Et merci beaucoup pour ce petit remix de Sensualité d'Axel Red que j'ai joué à l'aveugle dans mon mix. On va le réécouter hors antenne, mais je crois que c'est un morceau vraiment pas trop mal. Bisous, on se retrouve le mois prochain. C'était Boom Bomo. Allez. Ciao les petits loups. Ah non, attends, Jonas, mais il y a un dernier morceau qui est calé. C'est ce que j'allais dire, est-ce que j'appuie sur un truc? N'importe quoi, bien sûr. Mais oui, c'est le nouveau classique Boom Bomo. Alors, un morceau reggae d'Angers. On a des copains d'Angers ce soir. Je le joue en partie pour eux. Non, pas de reggae. Si. Désolé, ça passe pas là. J'allais dire au revoir sans passer ce morceau alors qu'il est calé. C'est la platine de droite. Jonas, t'as plus qu'à appuyer sur play. Okay, Timothée Potenko, c'est un track que j'ai mis en ligne sur ma chaîne YouTube il y a genre 2 ou 3 mois. Ah, c'est le HLM là. Un gros track reggae d'Angers. Ça s'appelle Rentre dans ton HLM. C'est pas du tout péjoratif, c'est un mec qui raconte la façon dont il était victime du racisme et les gens lui disaient rentre dans ton HLM. Ouais. Le refrain est totalement jouissif, c'est déjà un hymne des soirées Boom Bomo. Il sera joué le 3 février, on le joue ce soir. Cette fois, on s'en va vraiment. Bisous. Ciao les petits. Rentrez dans vos HLM. Ah, j'ai pas mis la tranche. C'est pas comme eux, on ne choisit pas sa couleur. Moi, j'ai reçu celle de la terre. Il ne fallait pas que je pleure, même quand on me jetait par terre. Rentre dans ton HLM, le cœur brisé par tant de haine. À 16 ans, ils m'ont envoyé, soi-disant apprendre un métier. Pourquoi les autres sont-ils restés? J'ai pas compris, j'avais rien fait. Depuis, j'ai fait tous les boulots, toujours poli, toujours réglo. Malgré la cire sur mon front, je reste pour eux le pauvre con. No, no, no.